Les Actes des Apôtres, en Asie. Jésus fut ressuscité des morts par son Père, il apparut à ses disciples choisis et dit « Paix de mon Père avec vous. Ce qu'il m'a donné, je ne l'ai pas caché. Assemblez-vous pour diviser en 12 et que chacun parte annoncer dans son lot. N'ayez aucune crainte, je suis avec vous. Je sais toutes les souffrances qui vous arriveront de la persécution du monde. Soyez patients avec eux, jusqu'à ce que vous les détourniez, de l'erreur à la foi, en mon nom. Souvenez-vous des souffrances qui me sont arrivées, et toutes les choses qu'on m'a fait pour la cause de l'humanité. » L'appel céleste. Quand Jésus vint en marchant le long de la mer de Tibériade, moi, Evadius et Alexandre, de ma parenté, nous étions à bord du bateau avec Pierre et son frère André en train de recoudre nos filets, avant de pouvoir aller prendre du poisson. Le bateau et les filets appartenaient à Pierre, nous étions sous lui comme manœuvre, ainsi que Rufus pour réparer les filets comme l'un de nous. Jésus vint. Il marchait le long de la mer de Tibériade et dit à Pierre et son frère André : « Venez, suivez-moi. » Le nom de Pierre était Simon avant que le Seigneur l'appelle de l'appel céleste et lui ajoute ses faces. C'est arrivé lorsque Pierre et son frère André entendirent la douce voix du Seigneur qui leur dit « Suivez-moi ». Ils ne restèrent pas du tout mais dirent au revoir à tout, au bateau, et partirent le suivre sur le rivage. Rufus, Alexandre, moi aussi, le dernier de tous, nous ne sommes plus revenus vers nos pères, nous aussi nous sommes partis et suivirent nos pères les apôtres pour servir en tout ce qu'ils nous demandaient. Ceux qu'il appelait avec mon père Pierre étaient au nombre de 12 qu'il désignait d'apôtres, envoyés Malachim, nous aussi, nous étions 72.